trois mots pour parler d'amour, et c'est joli. Il en faut deux pour se déchirer, et c'est fini. On va, on vient, on part, on s'écrit, et on revient. On joue son cœur au grand casino de son destin. Comme une histoire ou une chanson qu'on a appris. On se souvient et puis on oublie, puis on oublie. Mélodie, oh mélodie, tu mets dans notre vie des rêves et des chagrins. Tu passes et tu reviens en changeant de refrain. Mélodie, de bleu, de violon gris. Tu mets des musiciens aux croisées des chemins de la vie. Et comme l'histoire ou une chanson, on a appris. On se souvient et puis on oublie. C'est la vie. C'est comme le temps d'un premier amour qui a grandi. On s'en souvient et puis on oublie, puis on oublie. Trois feuilles mortes, un châle oublié, mélancolie. Quatre photos, un tiroir secret, c'est jalousie. Gagnant, père, heureux ou brisé, et c'est loterie. Quand tout va bien, on ne voit plus rien et on s'ennuie. Comme une histoire ou une chanson qu'on a appris. On se souvient et puis on oublie, et puis on oublie. Mélodie, oh mélodie, tu mets dans notre vie des rêves et des chagrins. Et tu reviens en changeant de refrain. Mélodie, mélodie, oh mélodie, tu nous fais compagnie, le bleu de violon gris. Tu mets des musiciens aux croisées des chemins. C'est comme l'histoire ou une chanson qu'on a appris.